s'allonger, s'allonger, RFM ça plombe. Hécatombe de pop rock song et les flics sont dans l'ombre et s'amusent à nous prendre en photo. La prochaine fois.